Vas-y avec ton numéro. Troisième, première chose, oui. Les Roms en France. Oui. Il y a un problème avec les Roms en France. J'espère. Et là, ils n'ont pas le droit d'en parler. Je comprends, là, de là à dire, on va toutes les sortir du pays à coup de pied dans le cul, c'est peut-être un peu gros. Mais de là à dire qu'il n'y a pas de problème avec les Roms en France, c'est pas vrai. Tous ceux qui sont allés en Europe, vous le savez, ces gens-là arrivent massivement... D'Europe de l'Est. Des campements, montent des campements dans des parcs. Là, on parle de plusieurs tentes, des roulottes, par où est donc, puis ils sont là sans aucun permis. Ils passent leur journée à quêter avec leurs enfants. Ils n'envoient pas leurs enfants à l'école. Leurs enfants sont à côté de leur mère, puis là, leur mère pleurniche en quêtant. Puis on les voit partout dans les rues de Paris, puis partout en Europe. Et moi, je suis déjà allé en France. Et il y avait plein de jeunes Roms, des Romains Michel, qui étaient avec des petites cartes en disant qu'ils étaient sourdes et muettes. Ce qui est fou. Dans un parc d'attractions, et là, je voyais, il y avait plein de petites Romains Michel, puis qui faisaient des signes là, de la bouche, puis tout ça, là, puis disaient qu'ils étaient sourdes et muettes. Je les ai suivis. J'ai marché, je les ai suivis. Ils sont tous allés, à un moment donné, en arrière du parc d'amusement, fumer une cigarette, puis ça jasait ensemble. Puis ça riait, puis ça avait... Ils n'étaient pas sourdes et muettes pendant tout, là. Ben non. Du tout. Ces gens-là passent leur temps à ériger des campements. C'est insalubre et ils ne travaillent pas. Ils passent leur temps à quêter. Ils n'envoient pas leurs enfants à l'école. Peut-on rien dire? Il y a un problème avec y a un problème. Les Roms en Europe. Et c'est la faillite. Mais tu dis ça, t'es d'extrême droite. Ah, mais là, faut commencer à en parler avec, en plus, la petite fille, là. Ben la petite oui. fille, voyons donc, tu sais, là, ça a été un des scandales. C'était comme la semaine. Là. Exact. Tu sais, c'est la faillite de l'immigration en Europe. Ça fait partie de la faillite. Et d'ailleurs, tout à fait. D'ailleurs, Dominique, là, il capote en Europe parce que le Front National va probablement gagner les élections européennes. Ils vont représenter la France. Ça, c'est compliqué. Mais le Front National est vraiment en hausse. Oui. Et là, tu vois dans les journaux de gauche, le Nouvel Observateur, le Monde, c'est épouvantable, c'est fantastique. Alors, regarde, c'est parce que vous ne parlez pas des vrais problèmes. Exactement. La gauche, elle ne parle pas des vrais problèmes. Elle ne parle pas d'immigration. Elle ne parle pas d'islam. Elle ne parle pas des Roms. Elle ne parle pas du crime. Des peines légères. Les gens, ce qu'ils veulent, les gens ordinaires, ils se sentent plus chez eux. Ils ont peut-être raison aussi. Ils ne se sentent plus chez eux. Ils trouvent que le système de justice est trop clément. Et là, ils aimeraient bien voter gauche ou voter centre-droite. Il n'y a pas de solution. Mais ils n'en parlent pas, ces gens-là. C'est ça. Sous prétexte que c'est mauvais, puis il ne faut pas en parler, c'est tabou. Mais à un moment donné, quand il n'y a rien que le Front National qui parle de ce que tu vas entendre, mais tu votes Front National. La droite occupe la droite et l'extrême droite. Moi, je les condamne. Il y a eu des propos racistes et tout ça. Mais la droite et l'extrême droite occupent le terrain de l'insécurité. La gauche prétend que c'est la droite qui a créé le climat d'insécurité. Mais il y a une insécurité réelle chez l'humain, chez l'Européen. Il y a une insécurité réelle chez les Français oui. qui disent, regarde, ça n'a plus de bon sens. Je me sens plus chez nous. Je me sens plus chez nous. Dans certains quartiers, les Français de souche doivent sacrer le camp parce qu'ils sont minoritaires et ils sont mal vus et mal regardés. C'est légitime d'avoir ces questions-là. Exact. Mais on dirait, là, que la bien-pensance de gauche et même de centre-droite qui disent, non, c'est vous le problème. Mais je m'excuse, c'est pas ces gens-là le problème. Il y a un problème. Il y a trop d'immigrants en France pour les capacités des intégrés. Puis à un moment donné, si les partis traditionnels ne parlent pas de ça, les gens vont se ramasser vers des partis extrémistes comme le Front National. Puis ce genre d'affaire-là peut arriver partout. À un moment donné, quand on fait l'autruche et quand on se ferme les yeux sur des problèmes réels... Mais ça peut arriver au Québec. Moi, j'aimerais ça qu'on intègre ce discours-là. Première des choses, qu'on ait le courage d'en parler comme Jacques Brassard en parle sur nos ondes ici. Et qu'on questionne oui. l'immigration et la provenance de nos immigrants. C'est pas d'être raciste, c'est de se questionner, de oui. dire... Puis c'est ça le discours que j'ai également. Si on veut assurer la pérennité du Québec, questionnons-nous sur, première des choses, le nombre d'immigrants et la provenance des immigrants Exactement. Également. Puis c'est pas raciste. La capacité de ces immigrants-là à s'intégrer. Exact. Mais tu te souviens que Mario Dumont était le premier à en parler en disant qu'il faut mettre un plafond à l'immigration, puis il faut même le descendre. Qu'on avait dit? Il était démonisé, quoi, et puis Le pas à peu Pen, près. Extrême droite, quasiment nazi. Pierre Arquin l'avait qualifié de Le Pen. De Le Pen. Oui. Tout à fait. Fait que, tu sais, il y a des affaires qu'il faut pas se dire, mais les gens sont pas fous. Si, à un moment donné, il y a une grande majorité des gens qui se sentent mal à l'aise, peut-être qu'ils ont raison de se sentir mal à l'aise. Puis, si on répond pas à leur malaise, ben, ils vont aller vers des partis comme le Front National, puis c'est ce qui arrive en France actuellement. Exact. C'est une bonne information. C'est pas, là, qu'ils arrêtent de démoniser le Front National, puis qu'ils fassent un petit peu leur mea culpa, ces partis-là. Et c'est leur maudit problème. Exact. Hey, bonne semaine, bon week-end, merci, Richard. Bonne semaine, tout le monde. Salut, bye-bye. Bye. Richard Martineau, bon point là-dessus. On commence à en parler, mais je veux pas qu'on qualifie Brassard de raciste parce qu'il en parle, spécifiquement du Québec. Je comprends que parfois, il y a un discours qui n'est pas enveloppé. C'est ça, la genre. Il y a un discours qui n'est pas enveloppé. Là. Ouais. Mais le point, c'est le suivant. On a besoin d'immigrants. Québec a besoin d'immigrants. La ville, le Québec, on en a besoin. Je veux dire, à moins qu'on se décide de faire 4 enfants par famille, ça arrivera pas. Non. Donc, on en a besoin. Non, on va avoir besoin de gens, effectivement. Des travaillants, des gens qui vont parler français, des gens qui vont rapporter, qui vont avoir des bons jobs, des gens qui vont s'intégrer, des gens qui vont être heureux au Québec. C'est ce que je veux dire. Ça prend pas un cours classique pour comprendre ça. Des gens qui vont être bien ici. Mais encore faut-il créer un climat aussi. Qui vont être bien avec nous. Mais encore faut-il créer un climat. Ça, c'est comme créer un climat pour les gens d'affaires. Je suis pas sûr tout le temps qu'on a un climat propice pour établir un bon climat d'affaires ici. Mais la charte, je suis pas sûr que c'est un bon climat non plus. Beaucoup de réglementations. Ben, la charte crée une illusion de confort. Moi, je pense qu'on devrait aller plus loin dire parfait. Au lieu de se dire, entre 8 et 4 ou entre 9 à 5, elle mettra pas son voile, mais après, elle fera bien ce qu'elle voudra. Mais beaucoup de gens, d'hommes, qui comprennent. Moi, ce que je dis, c'est qu'on devrait regarder l'immigration plus fondamentalement que ça. Mais beaucoup de gens qui comprennent pas tout à fait ou qui suivent pas tout à fait, qui ont vu des bouts, qui ont lu des bribes de textes, puis qui pensent que la charte, c'est une charte anti-immigration, là. Il y en a beaucoup. Moi, j'aurais bien aimé ça, lire les 26 000 courriels reçus par... S'il y en a reçu 26 000 en passant, de Bernard Dréville. C'est ce qu'on nous dit, mais on veut pas y les montrer. Anyway. Mais tu vois, je l'ai pas sorti un matin, parce que là, j'avais trop d'affaires, puis j'avais sorti de la tête, je l'ai sorti. Guy Nantel, tu sais, c'est qui l'humoriste? Là? Ouais. Il fait un vox pop dans la rue pour aller questionner les gens sur la charte. Tu pognes des pros aux chartes, là, qui ont aucune idée c'est quoi un juif, puis ils sont pour la charte. Tu sais, du monde qui écoute pas une nouvelle, qui écoute pas la radio, qui jase jamais de philosophie ou de religion ou de politique avec leurs amis. Il y en a un char pis une barge. Il y a un climat d'insécurité. Puis qui se disent, la charte, les étrangers chez eux. Pis... Exact. Ben oui. Ayons une réflexion solide sur l'immigration. Qu'est-ce qu'on veut? On en veut combien? Il y en a peut-être trop. On peut se questionner là-dessus. Sur la capacité d'intégrer du Québec. Pis quel genre d'immigrants on veut? Mais c'est dur. On devrait faciliter au maximum, par exemple, les professionnels ici. Moi, je pense j'osais avec une collègue hier. Ben, José, pour pas nommer, qui me parlait de médecins qui opèrent une garderie. Puis c'est des médecins qui viennent de Colombie. Ils sont pas capables de pratiquer. Ils ont une garderie. Sûrement une maudite bonne garderie, là. Puis ils montrent l'espagnol aux enfants. C'est parce que ça donne des médecins, on en a besoin. Ouais, mais. Tu comprends-tu? Faire c'est baisser ça. En Colombie, ils doivent soigner le monde avec des haches. C'est ça, alors que la Colombie... Il y a des hôpitaux, il y a des salles d'urgence. C'est ça. Peut-être, je vous dis pas de les prendre et de les envoyer direct à l'urgence du CHUM. Non, mais de faciliter ça. Mais c'est ça, tu fais un petit coup d'appoint, puis c'est ça. Au maximum, de faciliter ça. Donc, d'avoir une réflexion sérieuse, une réflexion sensée, froide, sur l'immigration. Mais c'est dur de faire ça parce que c'est touché. Puis aussitôt que tu embarques dans des débats de même, ben t'as de l'émotion... Et là, ce qui arrive avec la charte, c'est ça, c'est que ça crée beaucoup d'insécurité, ça soulève de l'insécurité dans plusieurs régions qui ne doivent pas être insécures. Je m'excuse, là, à Victoriaville, il n'y en a pas de voile. À Shawinigan, il n'y en a pas. Puis s'il y en a une ou deux... C'est pas grave. Tu sais, c'est pas... Il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas de menace maintenant. Est-ce qu'on peut se questionner sur le genre d'immigration qu'on veut pour les intégrer au maximum? Est-ce qu'on peut se permettre de se questionner sur est-ce qu'on veut plus d'immigration latine? C'est moi-même qui avais lancé l'idée à Brassard, puis Brassard s'en allait me lancer l'idée. Ben oui. Régis Labeaume à Radio-Canada en entrevue, en début de semaine, a mentionné ça également, l'immigration latine, de l'Amérique latine. C'est une maudite bonne idée. Mais c'est-tu quoi? Moi, je veux questionner là-dessus. Je veux pas favoriser, tu comprends? Là, j'ai l'impression que présentement, c'est ce qu'on fait. On favorise un type d'immigrant parce qu'il parle en français. Ben, c'est pas une impression, c'est une réalité. Bon, c'est une réalité, puis il y a un système de points même qui va avec ça. Là. Exact. Bon, moi, des Asiatiques, j'en veux. Là. Exact. Puis je veux du monde latin, puis je veux du monde d'Amérique du Sud. C'est parce que le français, ça, je ça veux, s'apprend. Mais je veux pas plus, je veux pas qu'on barre les musulmans. T'sais, c'est pas ça, là. C'est juste d'être... Je veux qu'on refasse le pointage. Dans ta tente, qu'on refasse le pointage, mais qu'on aille piger dans des... Ailleurs, partout dans le monde. Exact. Mais en Amérique latine, la proximité. Oui, oui. La proximité, il y a comme une... On a comme une affinité avec les latins. On est latins, en oui, partant. Oui, on est latins. Ce sont des gens travaillants. Ce sont, je dis pas que les autres le sont pas, là. Suivez-moi bien, là. Ce sont des gens travaillants. Il y en a beaucoup qu'on accueille ici. Pourquoi qu'on les intégrerait pas avec leur famille? Pourquoi pas? Ils sont bien bons venir ramasser nos fraises, mais le reste du temps, ça fait bien quand ils sont au Mexique, là, tu sais. T'sais, ils ont déjà la carte soleil, là. C'est parfait. Veux-tu t'intégrer ici? Ça tente-tu de rester? Ça tente-tu d'amener ta famille? Puis d'avoir un bon salaire? Au lieu de retourner travailler, l'hiver chez vous à 13 piastres par semaine? Moi, je serais avenant à ce genre de... À ce genre de clientèle-là, là. Travaillante, puis qui peut s'intégrer quand même relativement aisément.